De ce fait, à l'arrivée de Florent, l'apothicaire, venu donner à Argan un lavement prescrit par le médecin Purgon, Bérald fait opposition et l'apothicaire part furieux.